Bonsoir Monsieur Domergue, bonsoir Monsieur Huard. Donc on aimerait savoir qu'est-ce qui va se passer de nouveau sur beIN Sports cette saison. Qu'est-ce que vous allez proposer sur la Ligue 1 et notamment sur les Girondins de Bordeaux? Alors ça on va le découvrir un peu au fil de la saison. Sur la Ligue 1, le traitement est légèrement différent, je dirais simplement légèrement, parce qu'on a toujours bien sûr l'absence du match du vendredi, qu'on essaye quand même de traiter en présentant un grand format à partir de 22h45 avec des réactions sur place et puis une émission qui est à Paris avec Florian Genton. Normalement avec Luis Fernandez ça a un petit peu tourné parce que Luis a une nouvelle émission aussi dans la grille, donc c'était Bruno Chirou qui était là par exemple hier. Donc après le multi-ligue 1 est renforcé sur le samedi parce que c'est un de nos produits phares, un de nos produits qui fonctionne le mieux. On le comprend hein, parce que c'est un produit qui est très attrayant quand on aime le football, quand on est amoureux de ça. Quand on peut voir tous les matchs en même temps, c'est quand même un régal. Et puis ensuite, sur le dimanche, on va avoir une émission en continuité qui va un petit peu évoluer par rapport à la saison dernière. C'est-à-dire que c'est Smaïl Bouabdella qui fera l'émission avec Kelly Bob le dimanche, qui prendra la main à 14h15 pour trois quarts d'heure d'avant-match sur le 15h et qui fera aussi le lien à la mi-temps entre les deux matchs et puis en conclusion du match, 5-10 minutes de débrief. Donc je pense que c'est important aussi, c'est une continuité qu'on n'avait plus ces dernières saisons. Et je pense que c'est important d'avoir une vraie journée Ligue 1 le dimanche où les gens ont envie de rester pour revoir ce qui s'est passé un peu plus tôt et puis se plonger aussi malgré tout sur le rendez-vous du soir. Donc le traitement de la Ligue 1 est un tout petit peu plus différent que la saison dernière. Mais après sur les Girondins de Bordeaux, eh bien, on aurait bien aimé traiter un petit peu plus, notamment sur la Coupe d'Europe. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est triste pour le football, c'est triste pour les amoureux des Girondins, c'est certain. Mais après, voilà, c'est comme ça. Et après, on verra en fonction de la programmation des jours de match des Girondins. On aurait eu beaucoup de plaisir à les avoir le dimanche. Gaëtan aussi, en jouant les soirées de Ligue Europa le jeudi. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On verra en fonction. Si on a la chance de les avoir le dimanche, eh bien, on sera là. Ça va, l'élimination va forcément enlever des matchs et du traitement médiatique. La visibilité de Ligue 1 de Bordeaux, est-ce que cette élimination change aussi la donne sur le traitement médiatique pur Ligue 1? Ou est-ce que ça va rester simplement pareil? Elle change automatiquement, ou quand tu fais la Ligue Europa, bah, tu joues sur la Ligue Europa le jeudi. Et quand tu joues le jeudi avec la récupération obligatoire, tu es obligé de jouer le dimanche. Et on sait que les matchs du dimanche, c'est 15h ou 17h, ce sont des matchs en direct et des grosses journées. Des gros matchs. Donc Bordeaux n'aura pas ce traitement-là, hormis après un classement très, très important, un bon classement, où si Bordeaux figure dans les premières équipes de tête, elle sera aussi prioritaire. Mais la priorité, elle est faite par le calendrier de l'Europa League, puisque ceux qui jouent le jeudi vont jouer le dimanche. Donc à partir du moment où Bordeaux n'est plus en Europa League déjà, ça va compromettre la position de Bordeaux le dimanche. Et puis on sait malgré tout qu'on a encore la chance d'avoir la Coupe d'Europe, la Champions League et l'Europa League sur la saison qui est en cours. Et on sait que quand il y a un club français forcément qui avance dans la compétition, qui va loin, eh bien on s'y intéresse nécessairement un petit peu plus. Et donc le traitement est un petit peu plus focalisé aussi sur le club. Donc malheureusement de ce côté-là, ce ne sera pas forcément le cas pour les Girondins. Mais on sait que c'est un club historique, on sait que je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est la 65e saison en Ligue 1. Je ne vais pas me contredire, Guéguette. Voilà, donc c'est un club qui mérite d'être suivi, malgré tout ce que certaines personnes peuvent en dire. Vous qui êtes des spécialistes, comment vous analysez Bordeaux 2017-2018 avec beaucoup de changements? Comment vous sentez cette saison? Est-ce que vous nous sentez dans des bonnes dispositions ou est-ce que vous avez peur que cette élimination soit un frein? Moi je suis inquiet d'une chose, c'est que je ne comprends pas toujours les choses. On va me dire oui, mais c'est compliqué. Je ne comprends pas qu'on puisse être qualifié par... Grâce au Paris Saint-Germain, ça fait la deuxième fois, il faut s'en rappeler. On finit sixième et c'est Paris avec son titre de champion, plus derrière, enfin sauf cette année, mais c'est sa position en Champions League qui libère des places avec ses victoires dans les coupes nationales. Donc ça fait deux fois. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on espérait tous cette place-là et qu'on ne se soit pas plus pressé côté dirigeant pour avoir un recrutement. Parce que Vidéoton, c'est pas n'importe quelle équipe quand on regarde. C'est une équipe bon, qui était à notre portée, mais c'est une équipe qui était déjà dans son championnat depuis 8 journées avec plus les tours préliminaires précédents de l'Europa League. Donc c'est une équipe solide qui avait l'expérience de cette compétition-là européenne, puisqu'elle était allée en finale il y a très longtemps, je crois en 85 ou quelque chose comme ça. Donc elle avait l'habitude. Et ce sont pas des tours préliminaires, ce sont des tours préliminaires qu'il faut prendre au sérieux. Ce sont pas des tours préliminaires où on peut se dire on va passer aisément, on peut compter sur. Non, quand on est ambitieux, on met, à mon avis, déjà tous les atouts pour se qualifier. Et je pense que là, on a tardé sur certains postes clés de l'équipe pour se renforcer. Alors, est-ce qu'on a juste tardé? Parce que Gourvenec et Martin, après le match, ont dû faire face aux supporters, ont avoué avoir sous-estimé Vidéoton. C'est un peu énervant d'entendre les Ligue 1 nous dire on sous-estime les pays de l'Est. Est-ce que il n'y a plus autre chose que ça, voilà. Non, il y a. Et puis on le voit avec les clubs français. On parlait de Lille la saison dernière. Ils se sont fait sortir au même moment contre Kabbalah, qu'on connaît un tout petit peu plus parce que ça fait 2-3 saisons qu'ils passent par les tours préliminaires et les barrages. Mais c'est pareil. Et ensuite, ça devient difficile forcément dans la tête des joueurs malgré tout, parce que il faut digérer cette déception, cette élimination et le LOSC avait eu beaucoup de mal à la fin la saison dernière. Gaëtan, ça a été un grand joueur avec cet esprit compétiteur. On sait que la préparation c'est bien, mais au bout d'un moment on a envie de jouer des matchs. Et la compétition, ça c'était un premier match de compétition important qui permettait d'accéder au barrage et ensuite de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc c'est des matchs, on ne peut pas se permettre de sous-estimer ces équipes-là. Parce que c'est des matchs qui comptent pour l'histoire du club. Et à l'arrivée, ben, malgré tout ça, on voit les propos de Stéphane Martin, on a tout entendu. Mais moi, ça me dépasse d'entendre, oui, on a peut-être sous-estimé Vidéoton. On n'a pas le droit, quand on est professionnel, d'agir comme ça. Pourtant, Gourvenec est placé par les médias et les supporters bordelais, mais pas que, comme l'un des meilleurs entraîneurs français. Même dans sa compo, il y avait des choix discutables. On avait vraiment l'impression qu'on s'était dit que ça va être facile au milieu. Même les commentateurs, dont j'ai oublié les noms, de Beansport, disaient c'est une bonne idée d'avoir mis ces joueurs au milieu, on va confisquer le ballon, etc. Et on s'aperçoit qu'on confisque rien du tout, parce qu'en face, on s'est senti très bon tactiquement et techniquement. Après Gaëtan connaît bien Jocelyn. Je pense pas que Jocelyn ait sous-estimé Vidéoton, parce que Jocelyn, c'est un compétiteur aussi. C'est quelqu'un de très professionnel. On se souvient de son parcours avec Guingamp qui avait été exceptionnel. Tout le monde disait Guingamp, ils sortiront pas des groupes, des phases de groupe, tout ça. Voilà, il jouait tous les matchs à fond et il a envie de jouer tous les matchs à fond. Je pense que c'est peut-être dans la manière d'aborder le match de la part des joueurs surtout. Et c'est là que c'est problématique pour moi. Ouais, je pense sincèrement, c'est un gros couac. Moi, j'y étais. Je peux vous dire que j'ai pas dormi la nuit du tout. Ça m'a beaucoup. Je devais pas être le seul, apparemment. Alors, pour rassurer, nous, ça nous a bien énervé jusqu'à l'émission le lendemain. On était bien énervé. Même les supporters qui nous ont appelé au téléphone l'étaient dans cette situation. Surtout qu'il y avait une hype et que tout le monde se dit ah, Bordeaux, ça repart. Et patatras. Non, c'est surtout que pour l'avoir vécu, vous l'avez vécu aussi, on a été. Pratiquement avec toutes les équipes bordelaises, on était relativement loin dans la compétition européenne, qu'elle soit à l'époque du temps de Marius, de Bèze et tout ça, les compétitions au niveau des clubs champions, puisque c'était clubs champions à l'époque. Et puis nous, avec la Coupe de l'UEFA, quoi, on est voilà, en 96, on va jusqu'à la finale. On avait fait 25 ou 26 matchs officiels quoi, pour aller. On avait commencé à l'Intertoto. Et on a grossi, on a gonflé au travers de cette compétition-là et on a appris énormément. Et je pense que c'est une culture bordelaise, l'Europe. Et là, pour moi, on a bafoué cette culture bordelaise. Et c'est pas normal que l'on ne se qualifie pas pour une compétition qui est prestigieuse. Parce que là, il faut faire très attention, c'est qu'on va rester que sur les compétitions nationales, c'est-à-dire le championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ça va très vite en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Il y a des équipes qui nous sont beaucoup supérieures. Vous prenez Paris, vous prenez Monaco, vous prenez certaines équipes. Et en plus, on en a croisé quelques-unes. Ça va être compliqué. Et pourtant, en Coupe de France, on est habitué de se faire sortir par l'équipe de nationale un peu bidon qu'on n'avait pas vu venir. Au final, est-ce que c'est pas juste un accident? On a perdu 1-0 sur un moment où les joueurs avaient des jambes très très lourdes. Ça s'est vu aussi physiquement, notamment à l'Ouest. Ou peut-être certains choix tactiques, je pense à Plasie, le milieu défensif, n'auraient pas été forcément les bons, mais on peut se tromper aussi. Et Bordeaux, des matchs comme ça, on en fait tous les ans. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le match, tu le perds au match aller. Match retour, tu peux avoir un couac au match retour, certes tu peux perdre 1-0, mais match aller, tu dois leur mettre 3 ou 4 perles, il faut arrêter, il faut que cette équipe-là, tu les as les situations, les occasions. Quand tu marques pas en football, d'ailleurs on l'a vu aussi au match aller, au match retour, quand tu marques pas, tu te fais punir. Gaëtan Laborde a une tête, s'il marque, le match est plié, tu marques pas, quand tu marques pas au football, t'es puni. Et moi je l'ai toujours vécu en tant que gardien, quand je voyais que mon équipe marquait pas, je me suis dit ça sent pas bon là, il y avait toujours un truc à faisait des miracles. Non, mais tu sens les choses venir, et là on le sentait venir. Et au match aller, tu dois avoir plié le match, tu dois aller là-bas à 3-1, 4-1, et on n'en parle plus. Moi j'avais une question pour vous, monsieur Huard, c'est vous qui avez justement connu cette saison 95-96, où vous faites une saison avec l'Intertoto, l'Europa League, la coupe, les coupes, le championnat, c'était une saison à 60 matchs, 65 matchs, comment expliquer aujourd'hui qu'en France, un club comme Bordeaux, un standing européen, soit incapable d'avoir un effectif calibré pour jouer ce nombre de matchs-là? qu'on faisait des ce nombre de matchs avec moins de joueurs, j'ai l'impression, et qu'aujourd'hui il faut des effectifs de 30 joueurs pour faire 60 matchs. Puis les choses se sont améliorées aussi hein, dans les déplacements, les voyages. On est beaucoup plus rapide dans les déplacements. C'est vrai qu'on a apporté encore plus de confort dans le professionnalisme dans tous les clubs. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'exigences et de demandes qui est faite par les joueurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se rendre compte aussi que c'est notre métier, qu'il faut absolument prendre tout à cœur. Et quand on est sorti de compétition européenne, ça diminue la compétitivité de la jeunesse, parce qu'on est une équipe relativement jeune, et pour s'aguerrir et prendre de l'expérience, il faut avoir des matchs de compétition. Il y a des joueurs, et ben, ils vont peut-être pas revoir l'Europe pendant un bon bout de temps, parce que c'est pas sûr que tu sois européen à la fin de saison. Donc non, c'est faut toujours prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et dans ma carrière, je regrette certaines choses, mais il faut prendre. Des fois, on se dit, oh, c'est pas grave, non, tu prends, tu gagnes, tu prends, tu gagnes. Et là, malheureusement, on n'a pas pris, et j'espère qu'on va pas le porter comme un fardeau toute la saison. Même principe d'ailleurs quand on est derrière le micro. Il faut comment on vit ça, parce qu'au final on peut être aussi très supporter de certaines équipes. Quand on commente un match de son équipe, alors là vous étiez plutôt du côté de Marseille, ouais. Mais on voit, ça a dû déjà vous arriver, voir Bordeaux les commenter et les voir faire le résultat que vous auriez surtout pas aimé voir. On vit ça comment? On vit ça d'une manière particulière, mais après. Moi, en fait, j'ai appris de manière assez simple à retrouver cette neutralité, en fait, le fait d'être dans le milieu, de faire la Ligue 1 depuis 5 ans, même si j'ai des attaches parce que Bordeaux, c'est ma ville, parce que j'ai grandi ici, même si j'ai des attaches au club. Après, il y a de la déception, mais sur un match, c'est pas qu'on se doit pas de le montrer, mais c'est qu'on voilà, on est dans notre côté professionnel, et pendant 7h30, en fait, naturellement, on reste dedans. Il y a de la déception, mais après, on ne travaille pas gérant d'un TV, donc après, c'est différent. Je pense que ce serait un fonctionnement différent. Mais non, après, ça fait mal après le match. Avec du recul, quand on rentre, on se dit, bah, voilà, c'est triste pour le club, c'est triste pour toute l'histoire, l'historique européen du club. Et voilà, pour tout ça, c'est toutes ces raisons, c'est triste. Mais après, sur le coup, on le vit comme un match comme les autres. Donc c'est pas demain qu'on va vous entendre faire allez, vas-y Marouane pendant 30 secondes sur un Bordeaux-Marseille. Si, sur une finale de Coupe de France. On n'a pas la Coupe de France, je crains pas grand chose de toute façon. Mais non, sur des matchs comme ça, après ça peut arriver. Sur une finale de Coupe d'Europe, là, bien sûr il n'y en aura pas. Mais sur une finale de Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus facile d'être comme ça. On est porté par l'histoire, porté par le club, on est porté par ces grandes soirées, ces frissons. Et dans ces cas-là, on lâche un peu prise. Ouais. Moi, j'ai une question. Maintenant, je vais vous demander un petit peu un avis. Si vous étiez à la place de Monsieur Ramey, de Monsieur Martin, vous avez une opportunité, vous avez une idée d'un joueur pour les Girondins de Bordeaux, quel ce serait? Qui ce serait? Moi, ouais, C'est toujours compliqué parce qu'on n'est pas au quotidien avec. Nous, on peut s'apercevoir que ce qui se passe dans les matchs et notamment ce qui peut manquer dans les matchs. Moi, aujourd'hui, en toute honnêteté, je l'ai déjà dit, quand tu prétends être européen, si tu regardes toutes les équipes européennes aujourd'hui, elles ont toutes un buteur à 15-18 buts. Nous, on n'a pas de buteur à 15-18 buts. Si tu as un buteur à 6 buts, 5 buts, là, on en a 2 ou 3 à 6 buts, on a un à 8 buts. C'est bien parce que c'est diversifié, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, il faut un mec vraiment qui mette le haut tableau. Tous les grands clubs européens, ils ont tous un mec qui met 15 buts. C'est sûr que c'est pas le poste le moins cher. Donc c'est vrai que ça demande aussi un investissement. Après, je vois des clubs qui ont moins de budget que Bordeaux qui arrivent à s'en sortir et à trouver quelques joueurs qui mettent des ballons au fond. Je dis pas que nos joueurs sont pas capables de les mettre, mais il n'y a pas que le fait de les mettre. Il y a le fait aussi d'avoir un poids sur l'adversaire et sur les défenses adverses. Là, aujourd'hui, on n'a pas de domaine aérien devant le but. Je veux dire, aujourd'hui, tu as un mec à gauche, un mec à Cafou qui va être à gauche, tu as un mec à droite, Malcolm, qui est très bon. Mais si tu n'as pas un mec qui est bon du casque, les défenseurs centraux, ils s'amusent. C'est bien de centrer, d'avoir un mec qui met des bons ballons. Mais à un moment donné, tu dois avoir aussi quelqu'un qui rentre dedans et qui marque. C'est obligé pour moi, Bordeaux. Après, il y en a qui peuvent s'affirmer. Gaëtan Labande, il peut s'affirmer. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre? Non, parce que ça passe très vite. Les saisons, elles passent vite. Je pense qu'à un moment donné, il faut soit que les garçons se libèrent et vraiment aillent de l'avant et tentent tout, soit le club va peut-être devoir se pencher. Il faut pour moi, il faut un buteur à 10, 12, 15 buts, 15 buts par saison obligatoire. Mais c'est cher, hein, ça vaut cher. Après, c'est difficile de donner des noms, mais on sait que Gaëtan le sait mieux que moi. Mais on sait que Valère Germain, avant qu'il signe à Marseille, on en parlait, on a évoqué son nom ici au Girondins de Bordeaux. C'est ce genre de profil, effectivement, qui manque. Et il était intéressé par le club. Alors ensuite, il n'y a peut-être pas eu les démarches qui ont été suffisantes de la part du club bordelais. Il y a Marseille qui est rentré dans la danse. Il est né là-bas, donc c'est forcément particulier pour lui. Mais comme le disait Gaëtan, c'est vrai qu'aujourd'hui on sent que ça manque vraiment d'avancement, d'un tueur, d'un vrai buteur. Gaëtan Laborde a fait une saison très correcte la saison dernière. Maintenant c'est pas un vrai numéro 9. Et Alexandre Mendy a très peu joué à Nice, a très peu joué à Guingamp. Il a des qualités, hein, dos au but, c'est un très bon joueur. Maintenant il a besoin aussi de continuité, il a besoin de temps de jeu. Et c'est vrai que quand on voit Enzo Crivelli qui part encore une fois, qui était pour le coup, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un vrai neuf. Gaëtan parlait d'impact dans la surface de réparation, c'est quelqu'un qui va y aller, qui va aller jouer ces duels-là, un peu comme le but de Mariano contre Rennes. C'est un joueur qui va aller disputer ce duel. Emiliano Sala, on l'avait au club. Alors il y a des gens qui le regrettent pas du tout. Mais aujourd'hui, on voit malgré tout qu'il arrive, alors c'est pas un buteur à 20 buts comme dit Gaëtan dans la saison, mais il va mettre ses 9-10 buts et voilà, ça aujourd'hui, malheureusement, il ne joue qu'à Nantes. On l'a pas. Oui, il joue à Nantes. Ouais. Mais bon, moins de situations que s'il avait été à Marseille ou Lyon. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Après c'est les regrets, on peut pas vivre sur les regrets, mais ouais. C'est vrai qu'il n'a pas eu le Quand t'as eu Bernard Lacombe, que t'as eu Poletta, que t'as eu Kavenaghi, que t'as eu même Marouane, t'as eu Lilian Stant, c'est des mecs qui quand même dans la surface, c'était des buteurs dans la surface de réparation. Et je pense que quand tu joues dans un système 4-3-3 comme on joue, ça veut dire quoi? Que l'ancrage axial, il met des buts du casque et de la tête. Nous, on l'a pas. Je suis franc, on l'a pas. On n'a pas le gars qui va se jeter, qui va mettre la tête ou les autres mettent le pied, on l'a pas. Ou alors on va peut-être le découvrir dans les jours qui viennent. Alors une dernière question pure Ligue 1, juste pour recentrer, parce que c'est une question qu'on a aussi posée à Pierre Ménès, qu'on a eu en interview il y a une semaine. On parle beaucoup de Paris, il y a Neymar, etc. Est-ce que vous... C'est un débat qu'on a aussi nous en interne, on n'est franchement pas tous d'accord, même vraiment, on pense pas à la même chose. On dit beaucoup Paris, c'est une bonne chose pour la Ligue 1, ça va amener beaucoup de visibilité, etc. Mais d'un autre côté, on voit quand un seul joueur, Neymar, ils ont réussi à dépenser le budget de Marseille, de l'OM Project, qui était sur 5 ans, qui soi-disant devait rentrer dans la course pour rivaliser. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une super équipe qui domine tout et qui risque aussi d'affaiblir un petit peu l'intérêt de la Ligue 1 en termes de championnat, on va dire sportif, sur le fait d'aller gagner la course à la tête? Parce que je pense que ça ne va pas arranger Beansport si Paris, chaque année, est champion la 28e journée. Ouais, mais je pense pas nécessairement, parce qu'on l'a vu, le championnat progresse, hein. Le championnat est en train de malgré tout de s'homogénéiser. On le voit, Monaco a été champion avec beaucoup moins d'investissements. Alors là, oui, il y a le cas Neymar, les 220 millions, il y a Mbappé qui ne cesse de se rapprocher aussi, on parle d'une somme encore une fois astronomique. Alors oui, ça fait beaucoup, mais après, faut quand même savoir que l'objectif aussi du Qatar et du groupe du Paris Saint-Germain, c'est de marquer, de faire du Paris Saint-Germain une marque mondiale. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, rien qu'avec la signature de Neymar, le club va être connu dans le monde entier et leur objectif aussi est là. Maintenant, sur le plan sportif, moi je trouve ça très positif pour la vitrine de la Ligue 1, justement par rapport aux autres, par rapport à nos voisins, par rapport à nos voisins beaucoup plus lointains. Et voilà, Neymar, Alves, Mbappé si ça se fait ou pas. Mais il y a le Paris Saint-Germain, il y a Monaco, il y a Lyon qui est en train d'investir beaucoup, qui a perdu beaucoup de joueurs, mais qui s'est renforcé, qui a bien travaillé au niveau du recrutement. Et Lyon sera là aussi, et l'Olympique de Marseille qui n'a pas les mêmes moyens, comme vous le rappeliez très justement. Mais ils ont recruté de manière très judicieuse et je pense qu'ils vont faire une saison correcte qui peuvent les amener dans les 3-4 premières places. Alors oui, quand on dit Alves, Neymar en plus, on peut se dire effectivement que le championnat va être plié en janvier ou février. Ça risque d'être l'objectif du Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense que ce ne sera pas du tout le cas parce qu'il y a des équipes qui sont capables de rivaliser sur une saison avec ce PSG-là. Juste pour vous libérer là-dessus. Une chose, c'est que les 220 millions de Neymar, c'est une clause qui a été rachetée, qui a été mise dans le contrat de Neymar par Barcelone. Après, je dis juste une autre chose, c'est que l'argent, quand tu regardes bien ces grosses sommes-là, elles tournent entre 10 clubs. Les 10 clubs, on les connaît tous. C'est du Chelsea, c'est du Manchester City, Manchester United. On les connaît tous, les deux clubs espagnols. Mais l'argent, tant qu'il circule entre eux, ils se font pas de mal, hein, faut pas vous leurrer. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Juste la petite dernière question. Margot Dumont, si je n'écorche pas son nom, doit passer un test avec les féminines des Girondins de Bordeaux. Un petit conseil pour votre collègue. La terre est bonne. Ouais. J'ai vu ça, ouais. Il va falloir qu'elle soit costaud. Ça fait longtemps. Hein. Elle joue, elle fait des petits soccer, mais les petits soccer, ça remplace pas la compétition. Ça fait longtemps qu'elle a arrêté les matchs à 11. Donc il va falloir retrouver un peu de physique, un peu de forme. Parce que physiquement, elle me semble pas être très bien là, en ce moment. Donc il va falloir qu'elle travaille un peu. Mais elle a des qualités de joueuse. Après, est-ce que ce sera suffisant pour réussir à intégrer un club comme les Girondins de Bordeaux? Ça m'étonnerait peut-être Lyon, ouais, mais Bordeaux, ça m'étonnerait. Non, on va y arriver, Margot. J'ai confiance en elle, pas de soucis. Merci beaucoup, messieurs. Avec grand plaisir.